Bonjour Anaïs Kia. Bonjour Xavier Mauduit, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, mais que faire de nos ruines ? Les commémorations nous rappellent régulièrement les passés qui feraient sens encore aujourd'hui. Mais ces moments sont l'occasion de débats parfois féroces et les détails peuvent être déterminants. On se souvient de la polémique au cours de l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale en novembre 2018, lorsqu'il avait été question de rendre hommage aux maréchaux français qui avaient contribué à la victoire. Rendre hommage aux maréchaux, c'était un détail auquel peu de citoyens prêtaient vraiment attention. Tout aurait pu se passer dans l'indifférence générale, à ceci près que figure toujours parmi eux le maréchal Philippe Pétain. Scandale. Pouvait-on rendre les honneurs au chef de la collaboration d'État sous l'occupation allemande ? Sa trajectoire pendant la Deuxième Guerre mondiale gâchait sa bonne réputation gagnée au cours de la Première. Si le parcours des hommes célébrés peut briser leur postérité, qu'en est-il des lieux et plus particulièrement des ruines ? À la fin de la guerre, Franco veut faire de ces ruines un témoignage, espérant dénoncer les exactions de ses adversaires et masquer les nombreux crimes commis par son propre camp. Le village est laissé en l'état. Depuis peu, des visites guidées ravivent la mémoire des lieux. Elles ont attiré 30 000 personnes l'an dernier. Dans son ouvrage « Belle Cité, ruines fantômes de la guerre d'Espagne », Stéphane Michonneau nous raconte l'histoire du premier village martyr conservé de l'histoire européenne. Situé à 40 km au sud de Saragosse, Belle Cité est passé de main en main à partir de 1936, sous domination franquiste et républicaine, au gré des victoires militaires et au prix de son existence même. La singularité de ce site tient dans ce que Franco a voulu en faire après sa victoire. Il a été interdit à quiconque de détruire ou de reconstruire le bourg qui se devait, à travers ses ruines, de représenter la mémoire de cette guerre, interprétée selon la mystique franquiste comme le symbole de la rédemption espagnole après la tentation républicaine. Vous voyez cette maison là-bas ? Il y a un an, elle s'est écroulée. Aujourd'hui, ces ruines sont le témoignage le plus vivant qu'on ait de la guerre civile espagnole. Perdre ce village, ce serait un peu perdre notre histoire. Belle Cité est devenue un des sites emblématiques de la guerre civile. De très nombreuses célébrations y sont organisées jusqu'au milieu des années 60 par les autorités franquistes, sans protéger ces ruines qui s'effondrent progressivement devant les touristes, nombreux à s'y rendre, même en dehors des temps forts de commémoration officielle. Après la disparition du franquisme d'État au milieu des années 70, Belle Cité embarrasse la jeune démocratie espagnole en quête d'une politique mémorielle. Mais le site constitue aussi une opportunité en tant que lieu de mémoire conjoint de l'expérience à la fois républicaine et franquiste. On cherche alors à neutraliser le caractère subversif de l'histoire d'une guerre civile entre démocrates et antidémocrates, entre vaincus et vainqueurs, dont les complexités font toujours débat aujourd'hui, pour adopter un discours qui se veut consensuel. Tous les combattants ont été les victimes de ce conflit fratricide et peuvent donc à ce titre partager ces lieux de commémoration. Une solution temporaire peu satisfaisante est l'échec de l'usage du champ de ruines de Belle Cité qui résiste à tous les détours politiques de son interprétation, incapable de répondre aux mémoires républicaines dans une ville investie pendant des décennies par l'interprétation franquiste de l'événement. Les ruines, c'est ce qui reste. C'est quelque chose d'à la fois nécessaire et d'un peu inquiétant, mais dont on ne peut guère se passer. La ruine, prise de façon un peu générale ou philosophique, si vous voulez, c'est le pont entre le passé et le présent. Elle incarne le passé, mais elle est présente dans la conscience de ceux qui les observent, ceux qui les protègent, ceux qui les détruisent parfois. Comment conserver le sens des ruines dans un espace public alors que tout se transforme autour ? Depuis les années 90, le silence garant de la réconciliation nationale n'est plus de mise. Belle Cité est aussi le lieu d'une mémoire en mouvement qui en fait l'un des sites de la guerre d'Espagne les plus visités encore aujourd'hui. Bien loin d'être un village fantôme figé pour l'éternité, Belle Cité incarne le paysage mouvant de mémoire plurielle toujours en construction. Les ruines, c'est le passé et le présent. Merci Anaïs Kien. On retrouve le journal de l'histoire sur notre site franceculture.fr.